بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ceci est un livre que nous t'avons révélé, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Dieu, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants, car ils subiront un terrible châtiment. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, qui détournent les gens de la voie de Dieu, et qui cherchent à rendre cette voie tortueuse, ceux-là sont loin dans l'égarement. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Il n'est pas un messager envoyé par nous qui n'ait usé de la langue de son peuple pour lui transmettre clairement le message. Puis, Dieu laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ Nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours de Dieu. Dans tout cela, il y a certes des signes pour chaque patient et reconnaissant. Rappelle-toi lorsque Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient les pires sévices. Il massacrait vos fils et épargnait vos femmes. C'était là une dure épreuve de votre Seigneur. » وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ Lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Moïse dit « Si vous êtes ingrat, vous et tous ceux qui sont sur terre, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. L'histoire de vos prédécesseurs ne vous est-elle pas parvenue? L'histoire de Noé, des Had et des Thamoud, ainsi que de ceux qui vécurent après eux. Nul autre que Dieu ne les connaît. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves claires, mais chaque fois ils portaient leurs mains à leur bouche et s'écriaient : Nous ne croyons pas à la mission avec laquelle vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Leur messager leur répondait : Peut-il y avoir un doute au sujet de Dieu ? Créateur des cieux et de la terre, il vous appelle pour vous pardonner vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé. Mais il répondait : Vous n'êtes que des mortels comme nous, et vous cherchez à nous détourner de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve claire. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Leurs messagers leur répondaient alors : Nous ne sommes que des mortels comme vous, mais Dieu accorde sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient pas de vous apporter une preuve, si ce n'est avec la permission de Dieu. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Comment pourrions-nous ne pas nous en remettre à Dieu, alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons patiemment votre persécution. Ceux qui ont confiance en Dieu s'en remettent entièrement à lui. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. Ceux qui ne croyaient pas dire à leurs messagers : Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Alors, leur Seigneur leur révéla : Nous détruirons certes les injustes, et nous vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma majesté et craint ma menace. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Les messagers cherchèrent secours auprès de leur Seigneur, tandis que la déception devint le lot de tout tyran obstiné. L'enfer se trouve devant lui, et il y sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il pourra la faire passer. La mort l'assaillira de toutes parts, mais il ne mourra pas pour autant. Il y aura devant lui un sévère châtiment. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Les œuvres de ceux qui ne croient pas en leur Seigneur sont comparables à des cendres sur lesquelles souffle un vent déchaîné par un jour de tempête. Ils n'ont aucun pouvoir sur ce qu'ils ont acquis, et c'est là l'échec absolu. Ne vois-tu pas que Dieu a créé les cieux et la terre en toute vérité? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Cela n'est nullement difficile pour Dieu. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Tous comparaîtront devant Dieu, puis ceux qui auront été faibles diront à ceux qui auront été arrogants: nous n'étions que vos suiveurs, pouvez-vous détourner de nous quoi que ce soit du châtiment de Dieu? Alors les autres répondront: si Dieu nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés aussi. Que nous nous mettions en colère ou que nous endurions avec patience revient au même pour nous. Maintenant, nous n'avons aucun moyen de nous échapper. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Lorsque toute l'affaire sera décidée, Satan dira: certes, Dieu vous avait fait une promesse véridique, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous avez répondu à mon appel. Alors ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. je ne peux en rien vous aider et vous ne pouvez en rien m'aider. Certes, je rejette le fait que vous m'ayez associé à Dieu. Et certes, un douloureux châtiment attend les injustes. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, on les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, par la permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera paix. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Ne vois-tu pas comment Dieu propose une parabole? Une bonne parole est-elle un bel arbre dont les racines sont fermes, dont les branches s'élangent vers le ciel, et qui donne ses fruits à tout instant par la permission de son Seigneur. Dieu propose des paraboles aux gens afin qu'ils réfléchissent. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. أجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Et une mauvaise parole est-elle un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a aucune stabilité? Dieu affermit les croyants par des paroles fermes dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il laisse s'égarer les injustes. Dieu fait ce qu'il veut. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. N'as-tu pas vu ceux qui ont échangé la grâce de Dieu contre l'ingratitude et qui ont mené leur peuple à la demeure de la perdition, l'enfer, dans lequel ils brûleront? Quelle mauvaise demeure! Ils ont attribué des égaux à Dieu afin d'égarer les gens de son chemin. Dis, jouissez de la vie car certes, votre destination finale sera le feu. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Dis à mes serviteurs qui ont cru d'observer la prière et de dépenser de ce que nous leur avons attribué, en secret et ouvertement, avant que vienne un jour où il n'y aura ni marchandage, ni amitié. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre une eau par laquelle il produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui par son ordre voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle évolution, de même qu'il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous n'arriveriez jamais à les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Lorsqu'Abraham dit « Mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, les idoles ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens, et quiconque me désobéit, c'est toi le pardonneur, le miséricordieux. » ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée incultivable près de ta maison sacrée. Ô notre Seigneur, afin qu'ils y accomplissent la prière, fais en sorte, Seigneur, de leur gagner des sympathies parmi les hommes et nourris-les de fruits afin qu'ils soient reconnaissants. Notre Seigneur, tu connais certes ce que nous cachons comme ce que nous proclamons ouvertement. Rien n'échappe à Dieu, ni sur terre ni au ciel. Louange à Dieu qui, à mon âge avancé, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur est celui qui entend les prières. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Monseigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière et qu'une partie de ma descendance fasse de même. Exauce ma prière, Seigneur. Notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour de la reddition des comptes. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Ils ne font que leur accorder un répit, jusqu'au jour où leurs regards se figeront. De peur, ils courront la tête levée vers le ciel, les yeux hagards et le cœur vide. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra et où ceux qui auront été injustes diront « Notre Seigneur, accorde-nous un court sursis, nous répondrons alors à ton appel et nous suivrons les messagers. » Il leur sera répondu « N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne mourriez jamais ? Vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Et il vous a paru clairement comment nous les avions traités et comment nous en avons fait des exemples pour vous. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Ils ont certes comploté. Et leur complot est inscrit auprès de Dieu, même s'ils étaient de taille à faire disparaître les montagnes. Alors ne pense point que Dieu manquera à sa promesse envers ses messagers. Certes, Dieu est puissant et détenteur du pouvoir de punir. Un jour, la terre sera transformée en une terre différente, et les cieux seront transformés également. Les hommes comparaîtront devant Dieu, l'unique, le Tout-Puissant. Ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs vêtements seront faits de goudron brûlant et le feu couvrira leurs visages. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Afin que Dieu rétribue chaque âme pour ce qu'il aura acquis. Certes, Dieu est prompt à régler les comptes. Ceci est un message clair pour les gens, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il est un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent.